C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Capo des capis. Ce soir, ladies and gentlemen, Planète Rap Alonso. Et c'est parti, coup d'envoi de cette nouvelle semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h. Ravi de vous retrouver, monsieur Alonso qui est là. Mais tu n'as pas de micro. Que se passe-t-il? Déjà dès le début de l'émission, j'ai perdu l'habitude. C'est vrai. Oui, ça fait déjà tellement longtemps. Tellement longtemps. Depuis le précédent projet. C'est ça, en début d'année. Bon, et là, c'est reparti. Exactement. J'ai l'impression que tu t'éclates en ce moment. Hein. Ouais. Ah, j'ai l'impression là qu'en ce moment. À fond. Que les sonorités te plaisent. J'ai perdu 10 ans, je te jure. C'est vrai? Ouais, c'est une dinguerie. En même temps, t'as pas bougé. Merci beaucoup. J'ai toujours l'impression de te voir, même à l'époque de Sadil. J'ai toujours ça n'a pas bougé. Ça fait plaisir. Bon, ça tout va bien? Très, très bien. Et toi, Fred? Vendredi, donc sorti. Alors, c'est album, mixtape. Tu tiens. C'est un CD fait avec le cœur. Après, voilà, on appelle ça une mixtape, un album. Moi, je bosse mes projets à 100%. Donc voilà, le nom c'est mixtape, mais voilà, c'est un CD avec 17 tracks fait avec le cœur. Et bon, on va en écouter un aperçu maintenant. On a préparé un petit medley pour entrer directement dans le vif du sujet. Écoutez, c'est Alonso, ça sort vendredi dans les bacs. Planet Rap. On affronte les blêmes pro, touche de Grégo, soirée mousse, la favela sur le dance floor. J'ai rappé au beau maître à lui, dans la Valentine Alonso. Je traverse les générations, tue-moi ou tu mangeras les miettes. Planet Rap. Ils ont peur du noir, mais ils ferment les yeux. Je suis blanc comme neige, mais j'ai un sur le terrain, gros engin, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. Planet Rap, Planet Rap. Squat, squat, squat, squat, squat, bébé fait du squat, squat, squat, squat, squat. Planet Rap, Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Tu deviens si fragile. Sur le capot. Tracker. Le tracker est sur le capot. Tracker. Oui, le tracker est sur le capot. Tracker. Le tracker est sur le capot. La calabre va te faire. La calabre va te faire. La calabre va te faire. Je claque ton dans le club. Empêche-moi, empêche-moi. Claque ton mélange dans des choses. Empêche-moi, empêche-moi. Claque ton mélange à cachemar. Empêche-moi, empêche-moi. Claque ton mélange pour Rihanna. Empêche-moi, empêche-moi. Claque ton mélange dans le club. Planet Rap. Planet Rap. Dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. À part la maman, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. À part la maman, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. On craint des gains, on craint des gains. Les muscles n'arrêtent pas les balles, on craint des gains. On craint des gains, on craint des gains. La boxe n'arrête pas les balles, on craint des gains. Tu sens que la peau dans mon dîner. Ma Marlene me droit pendant mon ciné. La balle de mon canoncier. Ma belle, je suis la bête qui te fera glisser. Planet Rap. Planet Rap. T'es célibataire, t'as du caractère. Tu te laisses pas faire. Pas de manie où je retrouve mes affaires. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent qu'assez fini les. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit fini les. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie fini les. Même mes enfants innocents me disent papa fini les. Showtime. Alonso. Planet Rap. Planet Rap. Alonso, en direct sur Skyrock. Let's go. C'est toi, hein? Alors écoute-moi, c'est toi. Franchement, déjà, vous m'avez vendu le projet. parce que la mixtape, je l'écoute pas souvent. Je suis passé déjà à la prochaine mixtape. Ouais, ça y est, t'es déjà voilà. Parti. Donc j'aimerais avoir ce medley, s'il vous plaît, Skyrock. Vous m'avez vendu le projet. On va redécouvrir les extraits et voilà. Pourquoi? Parce que c'est des morceaux que t'as enregistrés il y a longtemps, ceux-là ou... Pas du tout. Non, je les ai enregistrés là, avril, mai, juin. Avant l'été. Mais comme je t'ai dit, on bosse beaucoup et voilà, là je suis déjà sur d'autres titres. Voilà, pour pas que ça me saoule, je me suis dit je vais l'écouter en même temps que mon public, vendredi, dans ma voiture. Donc je les écoute pas trop. Et donc, là. Donc tu n'es pas déçu par tes sons pour l'instant? Je suis pas déçu par le travail du réalisateur, monsieur Spike Miller. Qui est là, j'ai l'impression que c'est le binôme, hein, de toute façon, là, ouais, maintenant. Ouais. Il y a Alonso, Spike Miller, il est jamais loin, dans les clips, même loin. Partout. Ouais, il est là. Toujours. Ça va? Il est au poste. En forme? Ouais, tranquille, et toi? Bah, toi aussi, comme c'est un projet en commun, j'ai l'impression que vous êtes bien, là, dans ces sonorités qu'il y a actuellement. Et que vous y allez à fond, en fait, qu'il y a plein d'exercices de style dessus. Tout est fait au feeling. Après, on calcule pas trop qu'est-ce qui se fait en ce moment. Franchement, on écoute les sons comme ils viennent, ce qu'on nous envoie, ce qui se fait. Et après, voilà, c'est vraiment tous les morceaux de ce projet ont été faits au feeling. Il n'y a pas eu de morceaux calculés. On écoute la prod, on fait le morceau le lendemain, c'est à l'instinct. On écoute la prod au studio, on fait le yaourt, on écrit les morceaux. Et c'est parti. C'est parti. C'est instinctif, en fait, là. Hein. Ouais, je pense que ça nous réussit. Tu sais, ça, on se décharge, il n'y a pas de pression. Comme tu dis, franchement, on s'amuse beaucoup ces temps-ci. Et puis, tu vas être content aussi des résultats du précédent projet aussi, hein. C'est bien passé. Ouais, hein. Ça s'est très très bien passé. Tourner avec, partout. Tourner avec, je crois que je fais partie même des artistes qui fait le plus de showcase. J'ai l'impression que je te vois partout. 4-5 à batailler, mais j'ai fait énormément de showcase de partout, pas qu'en France. Cet été, on est parti au Maroc, on est parti en Espagne, en Tunisie, donc ça se passe très très bien. Voilà, je suis énormément joué dans les clubs où il y a les jeunes, tout simplement, club chicha. Donc voilà. Et bon, on est content de te retrouver sur l'antenne cette semaine. On va pouvoir découvrir ce projet qui s'appelle donc Capo Décapé. C'est ça. Donc chef parmi les chefs, hein, c'est comme ça c'est qu'on ça, peut traduire. La tête des têtes. La tête des têtes. Comme tu veux, voilà. C'est une vieille expression, Capo Décapé, que tu utilisais déjà. Hein, c'est pas nouveau. Ouais, exactement. Et ça a découvert cette semaine. Ça sort vendredi. Tu nous présenteras. Il y a aussi un autre invité, parce que c'est vrai que sur ce projet, tu n'es pas tout seul. Il y a certains morceaux où tu laisses le micro. Ouais. Et ben, on présentera les gens, les artistes. Petit au fur et à mesure, notamment un ce soir qui est avec nous. Pas de et on débute avec quoi? Finilet? Finilet, ouais. Allez, c'est parti, coup d'envoi, c'est extrait du projet d'Alonso qui sort vendredi dans les bacs. Réagissez aussi, hein. Le hashtag c'est Alonso sur Skyrock et les images sur le skyrock.fm. Ils croient qu'ils sont forts. Petit mesquin, j'suis là depuis Luciano. Get out shit. Parle en français. Tu n'as pas percé. J'te jure sur mon fils. Ils ont pas un euro. Je n'ai jamais fait semblant. Dégainé des délinquants. J'ai tout niqué avec la psychiatra. Tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent qu'à c'est fini les. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit fini les. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie fini les. Même les enfants innocents me disent papa fini les. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans le rap, parfois. Je reste que par amour pour les abattre. C'est la bagarre, faut que ce soit rentable, mais qui rivalise? Qui? J'sais pas, tu es bizarre, j'vais te baiser ta race, ramenez-moi un calibre. Si ça part en couille dans le rap game, enterre-moi à Fumboni. Protégez ma mère si elle souffre, j'ai pas fini. On dit que je rappe pour les minots. 82 ans, j'ai pas mûri. Toujours crapuleux sur le piano. Tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent qu'à c'est fini les. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit fini les. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie finirait. Et mes enfants innocents me disent papa finirait. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans le rap, star for love. Je reste que par amour pour les abattre. Les rappeurs bavent, j'emmène à boire. J'vous pisse à l'arrêt, j'suis un bâtard. Tu vois qui sont ces pélos. Dès lors que j'suis à Londres, j'vous fais hagard. J'suis le capitaine Capo. Le capitaine Capo. Si le capitaine Capo. Si le capitaine Capo. Capo de Capi. Ce morceau, vous le retrouvez donc sur le projet d'Alonso qui sort vendredi, Capo des Capi, volume 1, ce qui veut dire qu'il y aura d'autres volumes, a priori. Ouais, on est déjà sur le 2. Ça y est, j'ai l'impression, comme tu m'as dit que tu étais déjà sur autre chose, ça y est, c'est reparti, quoi. Exactement, faut pas s'arrêter, comme j'ai dit souvent, aujourd'hui, la quantité, c'est aussi important que la qualité. C'est il faut, vrai faut, ouais, moi, pour moi, il faut envoyer des sons de qualité, mais la quantité, c'est super important. Et quand il y a 17 morceaux, par exemple, sur la mixtape, est-ce que voilà, tous ont été validés ou est-ce que c'est pour remplir aussi un petit peu un moment? Non, je pense que ouais, à peu près, ils ont tous été validés. Il y a eu peut-être 4-5 morceaux qu'on a gardés de côté, histoire de commencer le prochain, voilà, le volume 2. Voilà. Mais attends, c'est bien que... complet, hein. Il y a 17 titres dessus. Ouais, donc, c'est pas mal, je pense. Autant vous dire que c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai envoyé un album aussi en début d'année, donc c'est pas mal. C'est créatif en ce moment. Ça va, le rendement, il est correct, on va dire. Le rendement est très, très... Comment t'expliques, toi, d'ailleurs, ça, Alonso? Parce qu'à un moment, c'est vrai que, bah, tu le disais, même avec les psychiatres, c'est bien de faire des pauses, de vivre un petit peu. Comment t'expliques que là, bah, voilà, t'as envie de charbonner, t'as pas envie de... C'est quoi, c'est le marché qui est comme ça maintenant? Ouais, je pense que c'est le marché. Je pense que le marché, il est comme ça. Aujourd'hui, toutes les semaines, il y a des artistes qui envoient des sons. La nouvelle génération, ils sont très déter. Je pense qu'il faut s'adapter au jeu en restant soi-même. Voilà, moi, je me régale. Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai des facilités à écrire, à changer de flow. Donc, je ne me prends pas la tête. Et voilà, je suis en mode 4x4. Ouais, tu t'amuses, en fait. Vraiment. Franchement, vraiment. Et je pense que ça nous réussit. Tu vois, de pas se prendre la tête et de tenter plusieurs expériences comme ça en studio. On fait beaucoup de yaourt. Ce morceau, par exemple, Finilé. Voilà, dès que j'ai trouvé le yaourt, de suite, je savais ce qu'il allait faire. Tu te souviens à quoi il ressemblait un peu, le yaourt? Le yaourt, ouais, c'est exactement ce que tu entends. Exactement. Ensuite, voilà, Spike, il découpe les bonnes parties pour en faire un yaourt... Convenable. À la date pas trop périmée. Voilà. Et je crois que je me suis levé un jour à... Je sais pas, j'arrivais pas à dormir à 7h du matin, je crois. Et je crois que je l'ai écrit assez rapidement. Voilà. Et il s'appelle Finilé, on le retrouve d'ailleurs sur le projet. Toi aussi, t'expliques ça comment, Spike? On parle un petit peu avec Alonso, justement, cette facilité à écrire, cette présence actuelle. Moi, je pense que c'est déjà qu'il a vraiment confiance en lui, qu'il est très en forme et qu'il est très déterminé. Tu vois, déjà avant l'album Règlement de compte, on a beaucoup parlé en amont, essayé de trouver la direction. Là, maintenant, il s'est vraiment trouvé, ce qui fait que c'est simple pour lui. Même quand il me fait écouter le texte qu'il écrit pour, par exemple, Finilé, moi-même, je suis surpris. Des fois, je suis pas avec lui en studio ou je suis pas avec lui quand il écrit. Et quand j'écoute, je suis à chaque fois surpris, tu vois, comme les auditeurs sont surpris parfois, je pense, tu vois. Donc, je pense que voilà, il s'est vraiment trouvé et il a confiance en lui. Il est très déterminé. Et voilà, ça donne ce que... ce qu'on peut entendre. Voilà, exactement. Tiens, Alonso, j'ai oublié de te confier le téléphone portable c'est désormais vrai, dans Planète Rap. Mais franchement, et c'est pas le 6S. Moi, je dirais. Oui, ça, c'est vrai que les moyens étaient un peu limités. Je suis désolé. C'est mais en même temps, on me le rend. Donc, c'est que regarde. Ok. En même temps, on me le rend. Il est déjà passé par Mac Taylor, par XMC, c'est par Maître Gims. C'est vrai. Je te le confie. Ouais. C'est merci le 06 71 74 94 15. Là, on m'appelle déjà. Le numéro pour la semaine. On peut te joindre. Décroche quand tu veux, Alonso. Décrocher, 06 71 74 84 15, voilà. Numéro de téléphone pour rappeler, c'est mon numéro de téléphone. Pour joindre Alonso toute la semaine, 24 heures sur 24. T'imagines un peu, c'est un truc de fou. Hein. N'hésitez pas. Ah, tu as quelqu'un. Allô. Allô. Oui. Oui. Bonsoir, ça va? Ah, c'est La Rochelle. Il faut baisser la radio. La Rochelle. Baisse un petit peu la radio, sinon ça va être compliqué pour te parler. Ah. Ça va les frérots, très bien et vous? Ah, tu chantes bien hein? Merci beaucoup poteau, ça fait plaisir. Tu vois, c'est du direct, c'est de l'instantané en fait. Ça fait plaisir. Tu es au courant que la mixtape elle sort vendredi? Où ça? Partout? Bah oui, partout, à La Rochelle partout. Aussi, à La Rochelle, logiquement, ouais. Ah, je vais l'acheter, tranquille. Eh ben ça fait plaisir. Merci beaucoup et grosse dédicace à toute La Rochelle. Allez, merci, c'est sympa. Allez, bonne soirée. Salut mon pote, ciao. Tu vois, c'est comme ça, les gens, c'est un contact direct en fait. Franchement, c'est ce qu'on a voulu durant cette saison dans Planète Rap. C'est énorme. Et ben voilà. Ben appelez-moi. Tu décroches quand tu veux, il y a des messages qui arrivent, il y a des FaceTime, il y a un petit peu de tout. Ouais, je vois ça. Ça s'arrête pas, hein, par contre. Et ben, tu mets-le un peu, parce que ça va pas. Tu voulais aussi nous présenter quelqu'un, Alonso, qui est là avec nous ce soir dans ce studio. Exactement, voilà, tu vois, dans cette mixtape, sur 17 tracks, j'ai kické 12 fois. Et il y a 5 tracks où j'ai laissé place à des artistes que j'aime beaucoup. Voilà, issus de la scène marseillaise en particulier. Il y a aussi un gars du 9-4, Hot No King. Mais ce soir, on va accueillir donc mon premier invité qui s'appelle Kofs, qui vient de Marseille. Ça va bien, Kofs? Ça va, tranquille, à l'aise, et toi? Eh ben attends, je vais bien mettre le micro pour qu'on puisse t'entendre. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'on peut avoir un petit CV express de Kofs? Ben écoute, Marseille. KOFS. Donc ça résume tout. Hein. Voilà. Donc voilà, quoi, tranquillement, on est venu poser sur la mixtape du frangin. Toi, t'avais déjà sorti des choses, il y a des choses qu'on peut écouter. Ouais, sur YouTube, j'ai sorti pas mal de choses. Donc Kofs, tu tapes et tu trouves de toute façon dans tous les cas. Tu vois. Donc allons-y, le choix de Kofs sur le projet? Ben, c'est un artiste percutant, tout simplement. Moi, j'ai écouté, il bosse beaucoup avec Zaka 2054. C'est ça. Voilà, il fait partie de mon équipe aussi, en tant que compositeur avec Abyss. Donc, il m'a présenté à cet artiste. De toute façon, on se connaît un peu tous. Oui. À Marseille, tu sais, c'est pas si grand que ça. Et c'est un artiste très percutant. Moi, j'aime beaucoup sa voix particulière. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Et humainement, c'est un vrai gars. Et voilà. Merci. Donc la musique plus l'humain, ça c'est explosif. Et on écoutera ton morceau d'ailleurs ce soir. Exactement. Tracker. Qui est un énorme. Morceau qui s'appelle Tracker. Qui fait partie de mes morceaux préférés de la mixtape. C'est pas vrai. Je te jure. Si tu lui dis pas ça parce qu'il est là. Non, jamais. Jamais. Parce qu'il est costaud quand même, Kofs. Quand même. Je n'ai jamais fait semblant. Et ben on écoutera le morceau dans un instant. Et là, juste avant aussi de faire tourner la roulette, la roulette, les inscriptions 41-7-5-9 et le freestyle par téléphone. Y en a assez? Il y en a assez. Ben, c'est un titre que j'ai envoyé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a une semaine, je crois. À peu près. Ouais. Voilà, c'est le troisième extrait de la mixtape. Donc on va le découvrir tous ensemble pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Il y a le clip aussi qui est disponible. Et vous balancez vos messages avec le hashtag Alonso sur Skyrock ou alors le téléphone pour joindre Alonso directement, je vous rappelle. Ça s'arrête pas de sonner. 06 71 74 94 15. Et aussi précommander l'album. Ouais, c'est vrai que l'album est en précommande. Et puis il marche fort déjà en précommande. Ça se passe bien, donc voilà. Allez, on balance le morceau maintenant. Il y en a assez sur Skyrock. Sur le terrain, gros engins, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. J'ai de la frappe, j'ai de la frappe. de la sape, vide ton sac, moi je m'en tape. Tu veux m'abattre, Google Maps, je vois que tu m'attaques. Je garde mon nafs, j'ai la mentale, pas de pare-balles. J'ai des bites sales, accord parental. T'es pas content, ben nique ta maman. J'ai pas ton temps, y'a de l'argent manquant. Fais pas le gérant, t'es un JN, t'es un client, crédit pour du pollen. Tu sais pas rapper, ne me demande pas un feat. Voilà, je vais te traumatiser devant ta chienne. J'suis au JK, avec Isnar, y'a les motards, c'est gros bâtard. Fume un pétard, j'fais de la barre, dans une heure j'ai rencard. Avec un gros boulard, j'rappe mieux que toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, tout petit coin de de A à Z, comme un Y, Z, le game, je le mets en I. M-A-R-S-E-I-2-L-E, c'est le capot décapé. 1, 2, 3, soleil, le premier qui bouge son frère, on le décapite. Tu fais bronzette, t'as la jet set, on te raquette. AK-47, on compte la recette, sur la banquette. Tu fais la fête alors que t'as des dettes. Ta meuf une épave, toi tu es un cave, tu es en garde-arbre, que tu poucaves. On est en disque, arrête, te mêle, raid et on se taille au bled. Enterrer ton cadavre. Y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce. Sur le terrain, gros engin, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. Y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce, y'en a ce. Sur le terrain, gros engin, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. La somango est dans le grinder, le donneur de go est dans le viseur. Parle dans mon dos, ça arrive en Pfizer. Tous en candou, peur que du seigneur. Anti-bandeur, anti-suceur, tu m'en règles, tu deurs. Tu te manques, nique ta sœur. Ambiance électrique, je crois qu'on marche sur des tasseurs. Si la vie serait film, tu serais mort dans le teaser. Je fais un selfie avec ta gadji, c'est mon hazi. Je suis dans la zik, depuis Hazlin, je mets des Azix. Nous on agit, toi tu t'agites. Aventador, cherche Toréador, quartier nord, fuck les Miradors. Je traîne mes Nike Air, dans tous les terres-terres. C'est l'âge à ton père, tu es un cheval de fer. Ils sont jaloux, ils parlent de nous, ils ont pas un pouf faire d'eux. Ils sont si doux, le cœur tout mou, je les brûle d'esprit comme mille. Tu as salou en poche caillou avec mon zinc ou soulou. J'ai des clous sur mes loups, j'ai camoufle le bambou dans ma queue. J'ai rappé au Jex, j'ai rappé au Heps, sur ton album, sur ma mixtape. Je me suis pas vu briller, j'ai percé les yeux fermés. On remet ça, on remet ça. Le volume 2, j'en suis à la moitié. Je refais le temps pour le quatrième album, libéré sous les mains, salon bâtiment B. Y'en a assez, sous le monde. Y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Sur le terrain, gros engin, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. Y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Sur le terrain, gros engin, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. T'attacher à moi, une mauvaise idée, c'est la fin du mois. Tu ne peux plus retirer, les rappeurs me tiennent la mano. Je les fais traverser, je veux une fille de joie. Ma femme a s'égleuré, 15 ans sur le terre-terre. On est dur en affaires, je sais les satisfaire. Mais je sais pas aimer, 15 ans sur le terre-terre. On est dur en affaires, je sais les satisfaire. Mais je sais pas aimer. Alonso et ce morceau, il y en a assez à l'instant. Il y en a plus qu'assez. Il y en a plus qu'assez. Plus qu'assez de moi. Bon, ça avait commencé. Marre de mes bêtises. Ça avait commencé par un yaourt ou pas celui-ci aussi pareil? Non, je pense pas. Non, celui-là, je pense pas. Tu sais, quand c'est du kickage, il faut le prendre à la gorge et. Quand il arrive. Voilà, et ne plus le lâcher, tout simplement. Bon, c'est le principe mixtape, on disait, avec donc il y a 12 morceaux, t'es présent, 5 artistes aussi qui sont présents. Ouais. C'est plus ça, donc en effet, le côté mixtape où on mélange des gens, justement. C'est ça, voilà, on mélange des gens. On fait plaisir à des gens. On met un petit coup de projecteur. Voilà, déjà. Et après, moi, comme je dis, c'est pas des relèves, c'est des kickers, c'est des gens qui ont leur place, pour moi, aujourd'hui, dans le paysage du rap français. Donc, ils vont se faire, ils se font seuls sur YouTube via leurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui, s'ils sont sur ma mixtape, c'est que j'apprécie leur travail, tout simplement. Par exemple, KOFS, Cox, c'est ça. Je dis ça pour bien trouver sur les réseaux. Ouais. T'as différentes adresses où on peut te retrouver. Ouais, après, comme d'hab, sur Facebook, partout. Insta, Cox officiel. De toute façon, tu trouves tout, tu vas sur Facebook. Sinon, à Marseille, à Herbel. Aussi. Voilà, mais il faut aller à Marseille ou alors pour les Marseillais. Faut venir. Et donc, ouais, je rappelle, c'est K-O-F-S. Exactement. C'est ça, exactement. Pour bien trouver. Exactement, si... Et tu vas sortir des choses, je suppose, aussi, là. Ouais, là, bientôt, en fait, là, je suis sur différents projets. Donc, ouais, là je vais arriver. Donc, c'est un beaucoup de projecteurs aussi, c'est exactement. Ce que fait. Ah oui, mais de toute façon, c'est. Le frangin, il propose et on prend, tu vois. Mais ouais, question de. Ouais, il nous a bien mis la lumière dessus et franchement, merci à lui. Bon, c'est ton morceau préféré. Un de tes morceaux préférés, tu nous as dit. Ouais, c'est vrai. Moi, morceau j'aime beaucoup. Qui s'appelle Tracker. Avant d'envoyer, je vais dire un truc, frérot. La prod, c'est Zarka 2054. Mmh. Tu vois, il a fait. Aïe prod. Oui. Et sur ma vie, voilà, quoi. De toute façon, la prod va parler d'elle-même. De toute façon, et un gros big up à Abyswan. Eh bien, ne bougez pas. Dans un instant, on pourra découvrir ce morceau. On vous attend au freestyle de Planète Rap aussi. 41759 pour s'inscrire avec votre prénom, numéro de téléphone, le hashtag Alonso sur Skyrock pour balancer aussi plein de messages. N'hésitez pas. On revient juste après ça. Hey. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, Planète Rap. Alonso. C'est Alonso, notre invité toute la semaine. Aïe. 20h et 21h, Capot des Capis, volume 1. Vrai. En précommande dès maintenant, on peut y aller. En précommande, ouais, sur iTunes, toutes les plateformes. D'ailleurs, voilà. Je crois qu'il y a des morceaux de dispo déjà si vous précommandez maintenant. Ouais, je crois qu'il y en a trois. Il y a celui avec Jules, le featuring normal. Normal. Il y a le Finilé et le tout nouveau, il y en a assez. Voilà, merci pour le soutien. Franchement, j'ai un énorme soutien de mon public. Je ne cesse de le répéter sur mon Instagram, mon Facebook, mon Snap. Je remercie tout le monde pour le soutien. Voilà. Et bah très bien. Et puis envoyez des messages aussi avec le hashtag Alonso sur Skyrock pour soutenir. Dites-nous si vous allez vous procurer justement Capot des Capis, les morceaux déjà que vous avez entendu, vos morceaux qui vous reviennent en tête régulièrement d'Alonso, vous les balancez aussi. Là, on va découvrir un titre. Tracker. Tracker. Donc, nouvel inédit. Nouveau titre inédit. Et voilà. Réalisation Zarka 2054. Voilà. Et prod Zarka 2054 aussi. Ouvrez vos oreilles. Le garçon s'appelle Koffs. C'est ça, exactement. K-O-F-S. Retenez bien. Retenez bien. Ouais. Et réagissez maintenant. Titre inédit du projet qui sort vendredi. Écoutez ça. Inédit, mamé. Capo de Capi. K-O-F-S. Le tracker est sous le capot, ta sélène va par des capis. C'est bientôt l'heure de l'fageur, gros, ramenez-moi mon tapis. Bipolaire, on change d'attitude, un jour on prie, un jour on rafale. Parlons de ta femme, un jour elle crache, un jour elle avale. Des kilos, des kilos, des kilos, des kilos. Des mecs qui se lèvent le matin pour t'enculer. T'as parlé maintenant, faut que t'assumes. T'as chargé maintenant, gros, allume-le. Donnez-moi un AK, par balle, sous la parka. Je suis pas nouveau dans le rap, je les baisse de la part d'Alonso et Zaka. Moi, je ne suis pas comme vous, sur ma daronne, on a rien en commun. Vous contrôlez Wedou, pour ça attendez comme un. Des voyous, des voyous, des voyous, des voyous dans le rap, j'en vois partout. Quand ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, mais dis-moi eux partout. Des voyous, des voyous, des voyous, des voyous dans le rap, j'en vois partout. Quand ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, mais dis-moi eux partout. Le tracker est sous le capot, ta sélène de part des capis. Inédit. C'est bientôt l'heure de l'fage, gros, ramenez-moi mon tapis. Bipolaire, on change d'attitude, un jour on prie, un jour on rafale. Parlons de ta femme, un jour elle crache, un jour elle avale. Le tracker est sous le capot. Ouais. Le tracker est sous le capot. Le tracker est sous le capot, ma gueule. Le tracker est sous le capot. Peu importe où tu es, mec, on va te trouver. Peu importe où j'y ai, mec, on va te trouver. Moi j'ai rien à prouver. Oui, j'ai rien à prouver. On n'a jamais balance, on a fini écroué. Ce qui t'entoure, c'est ce qui t'enterre. Méfie-toi de tes potes, de tes partenaires. Je les connais par cœur, tes potes sont fiers quand t'es par terre. J'ai perdu des potes à calage, qu'on a eu, le gilet n'a pas servi. Je les allume, les allume, les allume, les allume, on t'a vengé sa vie. Je préfère faire pleurer ta mère, que tu fasses pleurer la mienne. J'ai enterré ma peine le jour où j'ai enterré mon père. Des armes de la droite, monsieur le proc, on a grandi dans ça. 100% des aides, je prends mes lovés, je me taille un peu ça. Gros, je viens d'Herbel, Sidi ou ça, t'as le salem de mes crapules. Y'a des donneurs de go, oui des donneurs de go. Ne fais pas confiance à ta pute. Ne fais pas confiance et parle pas. Y'a des fautes qui se réparent plus. Sous le camistère par bas, des réseaux de shit sont tenus par des blancs traqueurs. Et sous le capot, t'as Célène d'un par des capis. C'est bientôt l'heure de le fâcheux. Gros, ramenez-moi mon tapis. Bipolaire, on change d'attitude. Un jour on prie, un jour on avale. Ré, ré. Parlons de ta femme, un jour elle crache, un jour elle avale. Et sous le capot. Le tracker est sous le capot. Touche à Gaza. Oui, le tracker est sous le capot. Le tracker est sous le capot. La mixtape est en précommandement, mais l'artiste c'est Kofs. La mixtape s'appelle Capot des Capis. KKKOFS, ma gueule. Marseille. Des capi. Marseille. Voilà un extrait de la mixtape. Justement, mixtape où on met en lumière aussi des gens. Wow. C'est le cas pour Kofs qu'on écoutait à l'instant. Wow. Avec ce morceau Tracker. Je suis sûr que tu aurais aimé poser aussi dessus. Ouais. C'est... J'aime trop l'instru, même comment il a pris le thème et tout. C'est... J'aime beaucoup ce morceau. Et ben on le retrouve dès vendredi. Dans les bacs Kofs. Voilà, un inédit Kofs. Vendredi, ouais. 18 septembre, la famille. Précommandez, soutenez. Précommandez maintenant, allez-y pour soutenir. Dans quelques minutes, on mettra un titre. On reviendra sur règlement de compte avec le morceau La Belle Vie d'ici quelques minutes. Ah, tu veux décrocher ? Allô ? Décroche. Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Oui, ça va ? Oh, tu vas bien ? Tiens, en direct de Skyrock, poteau, tu vas bien ? Tu viens d'où ? Tu viens de Marseille en plus. Ça fait plaisir. Tu es d'où de Marseille? La Timone. Ah, la Timone, grosse dédicace alors à la Timone et à non, tout Marseille. Je te jure. J'ai passé le numéro à tous mes copains, tout le monde va t'appeler. Eh bien, tu n'as pas fini, Alonz. Tu n'as pas fini de décrocher. Mais je vais essayer de décrocher le plus trop, trop. Merci beaucoup, poteau. Merci, ça me fait énormément plaisir. Merci. 06 71 74 84 15. Le téléphone pour joindre Alonzo, comme ça en direct, il décroche quand il veut. Voilà, exactement. Mon pote, porte-toi bien. Ouais. Allez, ciao, poteau. A plus. Bon, ça fait du bien quand même d'avoir du soutien. Franchement, ce concept de téléphone, je trouve ça énorme. Non, mais en plus, je trouve ça bien parce que c'est vrai que souvent, on a tendance en plus sur les réseaux sociaux à retenir que ce qu'il y a de mauvais, tu vois, le côté. Là, quand on décroche et on trie pas, hein, vous le voyez, c'est vrai. C'est fait en direct. C'est bon, pour l'instant, on n'est pas à l'abri. On n'a pas encore eu de gens. Ouais, bien sûr. J'entends tout. Tu sais, dans ce métier. Mais c'est vrai que voilà, tu sens un contact différent de ce qu'on peut lire parfois. Exactement. Ça te rapproche de ton public, déjà, tu vois, tu te sens plus proche. Eux aussi, je pense qu'ils sont contents. Moi, ça me fait énormément plaisir. Ça me booste. Après, comme tu as dit, on n'a pas vu encore on n'a pas entendu de gens tendus, mais on prend tout. Ça fait partie du métier. Ouais, c'est le jeu. C'est comme ça. 06 71 74 84 15, le téléphone, la ligne directe d'Alonzo sans filtre. Je réponds. Et avant de passer le morceau La Belle Vie, juste avant, je te présente Effité de Valenciennes dans le 5-9. Salut, Effité. Salut. Bonsoir. C'est bien Effité. Hein. Alonzo, bien ou quoi ? Tu vas bien, poteau ? A priori. Ça va. Cool. À l'aise. Ça va, tu es chaud ? Ouais, je suis bouillant, frère. Et attention, cette semaine, les gars et les filles, hein, pour rapper dans l'émission Le Freestyle par téléphone, à l'occasion de la sortie du film Mercredi d'NWA, le film qu'il ne faudra pas louper, hein, qui revient sur les débuts de Dr. Dre, Dizzy, d'Ice Cube, on vous file des casques Beats by Dre, donc il y en a un pour toi, FIT, d'entrée de jeu. C'est fait. Impeccable. Allez, on t'écoute rapper, c'est l'heure du Freestyle par téléphone, c'est parti. C'est parti. FITER gros. Ils m'ont fait du mal, je veux que tous ces bâtards saignent. Il m'a appelé petit, j'ai dû mettre à Marcel. Dédicace la famille, Valenciennes Marseille. J'ai pas beaucoup d'amis, 2-3 putes qui marcellent. Chez moi y'a des va-et-vient comme dans la chave de ta petite copine. Quand je te dis que je vais les fumer, je parlais pas de nicotine. Je veux des zéros sur mon compte, mais y'en a que dans mon code PIN. Ma vie c'est pas un film, hein. Fuck Marie Poppins. La vie c'est pas toujours ce qu'on veut, c'est pas toujours ce qu'on dit. On vit en espérant toujours que les femmes moi s'arrondissent. Tu crois pas en moi, t'écoutes pas mes sons, c'est dommage. Ouais, roule un gaz, de bombes et c'est parti pour le décollage. Et je me barre dans un monde qui parle pas que d'oseille. Je joue pas l'américain, j'ai pas le flow de Roseille. et j'ai des buts donc pas le temps de me reposer. L'amour c'est la chaise électrique, pas envie de me poser. Je mène tellement une double vie, ils se demandent lequel buter. Tu sauras pas d'où ça vient le jour où tu te feras percuter. Ma fille est pleine de rats, tu rien à prouver à tes gonzesses. Si j'encule ta mère, considère que j'aurais fait un bon geste. C'est invité, y'a pas de thème, pas les couilles du rap game. Sors mon place, tu seras puni comme si tu faisais à place de femme. Pas de milique, pas je t'aime. Tu veux la guerre, y'a pas de blême. Toi et moi, pas possible comme 50 dans les bras de game. Même quand je kick à la wall et gen, j'ai toujours la dégaine. Attends que je leur passe dessus et après tu pourras les ken. Je suis dans mon délire avec mon rap et mes stéroïdes. Et quand je débarque dans le studio, ça fait l'effet d'un astéroïde. Ce soir appelle-moi Snoop, fais péter la weed, car ma tête faut que je vide. Et vos actes, tu me font mal au beat, c'est pas évident. Et là c'est lui le frid. Avant de tourner la page, faudrait déjà que je me livre. Putain, je perds ma joie de vivre. Yes, à l'instant, freestyle fité de Valenciennes. Comment c'était? Fité bien? Tu t'es senti bien? Il y a de la punch, il y a de la punch. Il y avait la punchline, hein. Bravo, poteau. Simer, force Simer, à ma toi. Force. T'es bon. Force à toi. Si Dieu veut, Inch'Allah. 5 casse-bits by Dre cette semaine pour tous ceux qui viennent rapper. Il y en a un pour toi, Fité, on te l'envoie du côté de Valenciennes à l'occasion de la sortie du film NWA. Film qu'il faudra pas louper. Alonso, je te le conseille. Tu l'as pas encore vu, il défonce. Non, je l'ai pas encore vu, non. Non, on va voir ça. C'est pas uniquement que sur le groupe, c'est sur la société américaine, les rapports avec la communauté noire, la police. On c'est va voir ça. Gros film d'action à pas louper mercredi et c'est pour toi. Fité du côté de Valenciennes. Passe une bonne soirée. Fité. Ciao. Porte-toi bien, poteau. Nique tout. On va faire ça. Allez, tiens. En parlant de tout niquer, t'as tout niqué aussi avec règlement de compte. Mais ça s'est bien passé. C'était une belle surprise, content. Ça a été une belle surprise. C'est mon album qui a le plus marché, où j'ai eu les meilleurs retours. Voilà, comme il expliquait Spike, je pense que c'est l'album où je me suis trouvé. Voilà, grâce un peu à lui, aux gens qui m'entourent, les compositeurs. Et voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est toujours les mêmes qui ont bossé sur Capo des Capi. Et on continue comme ça. Et on va balancer un morceau d'ailleurs, extrait de ce projet qui s'appelle Règlement de compte, c'est La Belle Vie. La Belle Vie. Allez, ouais. C'est parti sur Skyrock. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville zin. La belle ville zin. La belle ville zin. On a bu 12 packs. Roux avant sur le nez. Sur le nez. Cagoule noire sur le nez. Sur le nez. Zingaland, tu connais? Djenjaouid soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le saint se marie, cheval cabré sur le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la Courneuve. La Courneuve. On va permis des comment. Comme d'hab. Comment. Je m'en tape. Bang et meuf, tank et voilà comme d'hab. On achète pas les airs avec de sous-table. On encule pas les airs, au cul où on se tape. La bague vend du shit, les frères ouvrent des chichas. Avec le bénef du shit, cherche à devenir au fiche. Tibi Spinner pour mon fiche, pour mon chiffre. Je n'ai pas de compte en Suisse, tout est dans le m'sango de la mama. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. Ça fait. La belle ville zen. La belle ville quoi. La belle ville zen. La belle ville quoi. La belle ville zen. On a bu 12 packs. C'est la hesse, je pague en espèces. Ray de cesse, here we go, bastos dans la fartasse. Dans la bouche un chouche, sur la tête un chèche. A-L-O-N-Z, j'ai de la reprise comme un Countach. Rabat, Tupac. Malaga, Marseille, go fast. Tu payes pas, chaudasse. Tu dis que c'est Tahlel, mais c'est une chaudasse. C'est le choix de vie le zen. Un choix de vie le quoi. Un choix de vie le zen. Un choix de vie le quoi. Un choix de vie le zen. Un choix de vie le quoi. Un choix de vie le zen. À 15h d'appel, soirée passée, crème sous dompé. Encore ballonné, j'affronte les problèmes, m'inganté. J'fais que Salomé, j'baroute en paquet, me suis chargé. Pas tant comme nous, les amers, la BLM, waouh. RS4, pas de plaque. C'est dimanche 20, je suis au Garden, dans le 9-3. Gros showcase au Garden, mamé. J'ai bu 4 packs. La belle ville zen. La belle ville quoi. La belle ville zen. La belle ville zen. On a bu 12 packs. Bas les pattes, j'ai le gilet pare-balles. Dans le bloc, goût le poil, Yakov, sa bibi non-stop. Et coupe-gorge, quartier non, la poule aux yeux d'or, chie des lingos. Choufanigo, tilt bingo. Hasta luego, dans les bois, je pars-back. Bar-back, casque shark, pull and jack. Day de jack, soirée man, jack. Avec Yves et Jacques, polo black. Jean black, toad black, chrome black. Roof black, moto black, all black, tout est black. Ouais. RS4, quatre pattes plaque. Ouais. Magadji c'est une Bagdad. Ouais. Kalash ou le clic clac. Ré. Serre-moi du bisap. Ok. La belle ville zen. La belle ville zen. La belle ville zen. On a bu 12 packs. Capot décapé dans les bacs, en précommande. Et dealer. C'est Alonso à l'instant avec ce morceau, La Belle Vie. Il paraît que c'est incroyable en concert celui-ci en showcase. Hein. Il est pas mal. Franco, je sais pas comment le public définit un classique. Mmh. J'ai jamais su. Ouais, avec le temps. Ouais, j'ai jamais su. Voilà, donc en tout cas, celui-là, il a fait très bonne impression. Bon, c'était extrait de Règlement de compte, et puis on parlait donc de cet album Règlement de compte, ouais, qui est un gros succès. Ouais, ça s'est bien passé. Je te dis, Franco, moi je trouve que c'est l'album qui me ressemble le plus. Je dénigre pas les autres, mais voilà, je trouve que c'est l'album le plus cohérent. On va dire ça comme ça. Mais je crois que tu n'as pas eu tous les cadeaux autour de cet album. C'est-à-dire ? Regarde, j'ai demandé à une hôtesse, Zino, est-ce que tu peux nous apporter, Zino, s'il te plaît, le cadeau pour Monsieur Alonso et faire du bruit, c'est le disque d'or. En direct dans l'émission, vous pouvez voir les images sur le skyrock.fm. Merci. Voilà, on te remet donc officiellement ce disque d'or. Est-ce que ça fait toujours plaisir, Alonso? Parce qu'on a déjà eu des disques d'or, c'est pas le premier. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'en ai énormément. D'ailleurs, je les donne toujours à ma mère. Là, n'a rien à foutre. J'en ai au moins. Qui les met dans un coin. J'en ai au moins 4 avec mon groupe et plusieurs Urban P. J'en ai plusieurs. Et elle en a rien à foutre, ma mère. Elle m'a demandé d'abord si c'était de l'or. Ça peut toujours servir en même temps. Quand je lui dis, je sais pas, elle les a mis dans un coin. Mais c'est vrai que j'ai sorti 3 albums solo et c'est le premier album qui fait disque d'or, tout simplement. Donc je m'attendais pas, donc je vais remercier tout simplement mon public. C'est leur disque d'or, c'est à eux, c'est grâce à eux que je continue à rapper, c'est grâce à eux aujourd'hui que je m'amuse énormément et sur scène et en studio. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à ceux qui m'accompagnent dans cette aventure. Only Pro, Def Jam, bien sûr, Monsieur Spike Miller, c'est le sien. Qui est là, c'est le sien. Fais voir. C'est Zakat. Tu peux, je ne sais pas comment vous allez faire pour le partage, hein, qui prend la moitié de l'autre. Voilà. Franchement, je suis plus content pour mon public que pour moi. Parce que les gens qui me suivent, tu sais, quand tu supportes une équipe, j'aime bien faire les comparaisons avec le foot. C'est vrai. Quand tu supportes une équipe, tu aimes quand ton équipe remporte des trophées. Des trophées. Tu vois ? Et aujourd'hui, je pense que les gens qui m'encouragent et qui me soutiennent veulent me voir soulever des trophées. Et aujourd'hui, c'est plus leur disque d'or à eux qu'à moi. Et je remercie tout le monde, voilà. C'est bien en plus de faire cette comparaison, Alonso. En plus, je pense à cette équipe de l'OM qui... Qu'a soulevé le seul trophée européen. Il y a bien longtemps. C'est bien, tu as pris le relais par rapport à l'équipe de l'OM. En tout cas, merci beaucoup. Et franchement, j'aimerais moi applaudir le public. Ouais, grâce au bravo. Public. Voilà. Gracias, merci beaucoup. Qui est là, qui est à l'écoute avec le hashtag Alonso sur Skyrock aussi. Ils en profitent du disque d'or. Hein. Je vois les messages aussi. Ben ça fait plaisir. Voilà, voilà. Il est là et moi j'aime. Un de plus et merci. Je suis très content qu'on te remette dans Planète Rap d'ailleurs ce disque d'or aussi. Ouais. Il est beau. L'aventure continue et c'est vrai qu'il est très beau en plus. Il est magnifique. Donc tu peux prévenir ta mère, il y en aura un de plus à la maison. Ouais, mais et celui-ci pèse lourd. Ouais, c'est toi, tu le gardes, Spike. C'est le mignon. Bon, avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette aussi à Londres, entre 20 et 21, avant de retrouver D-Fool aussi, la première radio libre de la semaine, on finit avec quoi? Le morceau avec Normal? Ouais, Normal. Le morceau, en plus, je vais profiter pour faire une grosse dédicace à Jules. Voilà, très grosse dédicace au Sancho, à mon avis, qui doit être dans sa cabane en train d'enregistrer. Il doit avoir au moins 300, 400 morceaux. Donc grosse dédicace, ça a été une très belle collaboration. Je crois que le clip il doit être à aujourd'hui 27 millions de vues. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Je pense que c'est l'un des clips 2015 qui a été le plus vu en rap. Donc voilà, collaboration réussie. Et un petit mot aussi, donc évidemment sur Jules, toi il t'impressionne un mec comme Jules justement de faire tout lui-même. Il fait partie de cette nouvelle génération. Pour moi, c'est un génie, tout simplement. À un moment donné, faut pas avoir peur des mots. Le mec, il bosse comme personne. J'ai envie de te dire, il faut déterrer Tupac pour voir un mec qui bosse comme Jules. Qui bosse autant, tu vois. Donc le mec, il est auteur, compositeur, interprète. Que tu le veuilles ou non, pour moi, c'est une machine de guerre. Il fait danser toute la France, tout le Maghreb. Et je sais même pas s'il n'est pas allé encore jusqu'au Canada et en Afrique. Donc, gros respect pour son travail. Et ben on le retrouve donc sur ce projet aussi, hein, le projet. C'est le premier extrait. C'est le premier extrait. Normal. C'est normal. Voilà. Et on le balance pour conclure ce Planète Rap et faire tourner la roulette dans un instant. Merci à mon public, papé. RDC, disque d'or. Capot décapé en précommande. Vrai dealer. Oui, j'ai traîné, j'ai zoné, le bon Dieu m'a guidé. L'équipe, désolé, c'est devenu sans pitié. Un peu de Jack Mel pour m'exciter. Roue arrière, y'a pas de train, j'frappe dans la cité. Ça vend du shit en lamelle et l'amener. C'est toi qui fais le mac, au final, tu veux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'es en bouillie. Au pire, j'mets un masque sous le casque AGV. C'est tout la LON en direct à Pointa. Pour les frangins qui mettent un île en gêne. Normal pour les anciens. Pour ces anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que des délétudes, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que ta haine et du vice, c'est le béton ça. Ça s'engraine, ça gratte toute la nuit. Mais j'ai tant de l'ennui. Ça fait des grosses peines. On va fêter ça le 20 septembre, ce dimanche au Garden. Y'a tout l'Alonso dans le virage. Braque, braque, braque, y'a ceux qui volent. Y'a les meilleurs publics, mamé. Vol, je repose dans ta misère. Zère, c'est du petit zère. Trop poteau bizarre, zère. C'est moi qui zère. Ça s'engraine, que ça gratte toute la nuit. Spike Miller. Voilà, c'est un disque d'or, Zen. Wow. T'es beau, mais t'as lui. Et je gamberge, plus je fume, plus j'oublie. Que ça s'engraine, que ça gratte toute la nuit. Les chétanes de l'ennui, ça fait des grosses peines, des beaux mètres à lui. Et je gamberge, plus je fume, plus j'oublie. Survêt en boîte, normal, conduite à vol, normal, reste pas la charge, normal. Je fume ma drogue, normal, en cas de poursuite, normal, je cache la plaque, normal. Recommande capot des capis, mamé. iTunes, dealer. Normal. Jules. Normal. Le Sancho. Normal. Marseille. morceau s'appelle Normal avec Jules. Il est comment celui-ci, Alonso, avant que tu décroches? Je vois que tu as envie de décrocher, mais dans un instant. Celui-ci, avec Jules, il est comment celui-ci pour finir son projet qui sort vendredi? Il est né tout simplement lors d'un appel. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, je fais une mixtape. Je pense qu'il y a beaucoup de Marseillais qui attendent cette collaboration, ça fait longtemps. Tout comme celle de Laura Luciano aussi. Qui est présent. Qui est présent sur cette mixtape. Il m'a dit, il n'y a aucun souci, je suis arrivé dans son studio, comme dans son habitude. Il a composé en live, on a trouvé le refrain ensemble, on a chacun écrit nos parties ensemble, et il y avait une ambiance tellement folle dans le studio qu'on s'est dit, je crois qu'on a pondu quelque chose qui va faire presque 30 millions de vues. Presque. Eh bien, on est pas loin. 27. Ouais. Donc ça peut encore exploser. Jusqu'à 30 millions. Ça peut aller jusqu'au. C'est pas terminé. Voilà, le morceau qui s'appelle Normal à l'instant qu'on écoutait. Tu voulais décrocher, je te vois. Je t'ai coupé dans ton élan. Ouais, ben ça y est. C'est la ligne directe pour Jean d'Alonso cette semaine. 06 71 74 84 15. On va faire plaisir à tout le monde. On va essayer de décrocher. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Alonso. Oui, c'est Alonso. Vous êtes sur Skyrock, ça va? Ouais. Eh ben on écoute en équipe. Ah, ça fait plaisir. Vous venez d'où? On a fait Saint-Antoine. Ah, Saint-Antoine. Oh, vous êtes à Saint-Antoine? Non, mais après les gens ils vont croire que je prends que des Marseillais. Hey. Ils sont carrément à Saint-Antoine, c'est-à-dire en bas de mon quartier. Le plan d'Ao Saint-Antoine, oui, c'est. Et ils vont manger au spécial, c'est énorme. Donc c'est pour découvrir aussi tout le quartier d'Alonso, c'est les adresses. Les filles, vous savez. Je peux te dire que tu vous kiffes sur tes sons. Merci beaucoup, beaucoup, les filles. Vous savez que la mixtape, elle sort vendredi au moins, vous êtes à Saint-Antoine. On a. De quoi? Vous le savez que la mixtape, elle sort vendredi ou pas? Eh oui. On est déjà en train d'écouter ton nouveau son. Viens assez. Peut-être que c'est déjà sorti dans ton quartier déjà, hein, j'ai l'impression. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. Merci les filles, ça fait plaisir. J'espère qu'il y a du lourd dans la mixtape. Je pense que vous n'allez pas être déçus. C'est vrai? Ouais, je pense que vous n'allez pas être déçus. C'est plus lourd que. C'est encore plus lourd que l'album. C'est encore plus lourd que l'album. Voilà, c'est ce que je disais, j'ai entendu une demande de feat. Mais regarde, je vais passer le numéro à Zaka ou à Monsieur Zino. Mon chanteur fait bien, voilà. Yacine avec toi, Yacine. Tu as dit quoi? Yacine avec vous. Sid avec vous. Sid, ouais, le Comorien le plus costaud du monde. Il est là, ouais, il est élégant. Sid. En tout cas, merci beaucoup les filles, ça fait plaisir. Je crois que nous allons laisser cette communication privée entre Sid et ses amis. Portez-vous bien et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le soutien. Et ben voilà, on est en direct du quartier. Voilà, ça fait plaisir. Énormément, ouais. Énormément. Ça s'arrête pas. Et je crois que si je réponds à tout le monde, je vais déborder sur le diffus. Là, t'en as pour un sacré moment. Surtout, là, tu peux déborder jusqu'à demain, à mon avis. Hein, jusqu'à demain 20h. Je pense. Le téléphone, en tout cas, pour joindre à Londres, c'est 06 71 74 84 15. Et là, on fait tourner la roulette avant de retrouver diffus, justement. Skyrock t'offre ton jeu PES 2016, ta PlayStation 4, plus tes places pour le transporteur héritage. Loïc de Lyon, ça va bien, Loïc? Ouais, ça va ou quoi? Eh ben écoute, on est bien, on est avec Alonso toute la semaine, capot des capis. Bonsoir, Alonso, il y a que des Marseillais, mais là, il y a des Lyonnais un peu. Ah, Lyon, il y a des pélos. C'est chaud aussi, Lyon. Il y a des pélos. Ouais, ça va. Tu sais que le 19, je suis à Lyon. J'ai un show. Ouais, le 19, c'est-à-dire samedi. Samedi. Voilà. Au nightclub. Exactement, voilà. C'est chez moi. Eh ben c'est chez lui. Et le lendemain, on joue contre vous. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, Alonso, je t'aime bien, mais bon. On va voir. Moi, je vous laisse entre Lyonnais et Marseillais. On verra bien, Péno du 6-9. Allez-y, débrouillez-vous. On fait tourner la roulette, allez, c'est parti. Dès que tu veux, tu dis stop. Qui ne saute pas n'est pas Lyonnais. Ah, c'est pas la vraie chanson, ça. Ça va pour les deux. Qui ne saute pas n'est pas Marseillais. Eh ben Loïc, tu vas aller au ciné 4 places pour aller voir Transporteur Héritage, le film qui est sorti. Puis le jeu PES 2016 qui lui sort mercredi. Tu l'as en exclu, on t'envoie ça du côté de Lyon. Ah, nickel. Merci à toi. Nickel. Vas-y, merci. Hein. Ciao, merci. Alors, portez-vous bien. Rendez-vous samedi, les gars. Merci pour cette première soirée. Merci à Kofs qui était là aussi avec nous. C'est si, ça. Si, ma gueule. Voilà, donc on a découvert son morceau qui est Tracker Mixtape. Voilà, en précommande. C'est encore un inédit en plus. Donc voilà, frère, merci au Capo. Merci à toi, Kofs. Voilà. Merci beaucoup. Et comme d'hab, on va pas changer. Donc je fais une petite équipe, un petit big up à tous les frérots qui sont avec moi. C'est ça. Parce que je suis pas seul. Bon, déjà, il y a Zaka 2054. Il y a une spéciale à Ous, Sidou et les frangins. Après, il y a Nono, il y a Khaled. Herbel. Voilà, il y a tout Herbel, mon frère. Il y a tout le quartier avec moi. Donc voilà, un gros big up à tous les quartiers sud et même tous les quartiers nord, centre-ville. Kakao FS, cousin. Eh ben merci à Kofs. Allons demain le retour. Demain le retour. Entre 20 et 21. Entre 20 et 21. Un petit peu avant même, un petit peu avant 21. Voilà, je pense qu'il voilà, y aura encore d'autres invités. Et d'autres surprises. Et d'autres surprises. Peut-être d'autres disques d'or. Ah, on sait pas. Ça, je sais pas. Excuse-moi, hein, dis-moi mon frère, il n'y a pas de souci. J'ai oublié un spécial, frérot. Vas-y, poto. Là, j'en ai oublié une, c'est pour le frangin RG. Donc, j'en fais une spéciale pour le frangin RG. Voilà, tu fais d'Allah, je ne serais pas retourné à Marseille, ma gueule. Ah, t'étais obligé. J'étais obligé, ma gueule. Excuse-moi d'avoir coupé ça. Il n'y a pas de souci. Merci, frère. Spike, d'avoir été là. Spike Miller qui reviendra aussi demain, je pense, et toute la semaine. Toujours, s'il est là, je suis là. Voilà. C'est de la punchline. C'est le sens. C'est ça. Merci à vous. On rappelle que c'est la sortie vendredi. Là, on va retrouver Difool et toute l'équipe pour la Radio Libre. Et oui, ils sont là. Et oui, on est là. Ils sont forts. Oh, on a écouté le Planet Rap, ça nous a ramené un peu de soleil. Bonjour. C'est bonjour, ça. Bonjour. Ça va ou pas? Ça va. Ça va, mon gros? Ouais, tranquille. Ça va. Ouais. On est là. Et toute la semaine en plus, et demain soir, 20h-21h, pour la suite de ton Planet Rap, Alonso. Exactement, les gars. Eh ben, on sera là à 20h avec toi, Fredo, en plus. Eh ben oui, bon, normalement. Évidemment. Donc, on va démarrer une grosse soirée, là. La première radio libre de la semaine. Attention, c'est parti avec. Fetty Wap. Allez, Fetty Wap et Gradure pour démarrer la soirée. Il y a l'album de Fetty Wap qui va arriver là. Gradure et Gradure aussi. Poteau, et il y a l'album de Gradure. Et il y a le Chegué, l'album. Ouais, Chegué Vara 2. Bientôt, au mois de novembre. Au mois de novembre. Normalement. Ouais, il y a des grosses sorties là qui arrivent. Ah ouais, c'est les bruits que j'ai entendus. Je le suis sur Instagram et j'attendais la date. Tu me l'as donné. Non, c'est les bruits que j'ai entendus. Oh, okay. Ce n'est pas encore confirmé, mais on m'a dit vers le mois de novembre par là. En gros, Fred n'avait pas le droit de le dire, mais il l'a dit. Et donc au mois de novembre, on aura des bruits. C'est pas moi qui l'ai dit, Gradure, attention. Non, c'est Fredo de Planet Rap de Skyrock. Alonso me l'avait soufflé avant. On balance, Alonso. Ça balance. C'est grave, hein. Ouais, c'est grave. Bon, Gradure, Fetty Wap, on va les retrouver là tous les deux sur Skyrock pour démarrer cette soirée. Sinon, on vous attend en direct dès maintenant. C'est au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez débarquer ici. Faites tout péter tout au long de cette soirée. On a une surprise pour vous avec un invité mystère à retrouver ce soir. On va parler basket. On aura les pompes de basket Adidas à vous filer. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Cédric Robano, le clash. Ouais. Et avant minuit, Pamela. Waouh. Eh ben écoutez, ouais. C'est du lourd pour ce soir. Ça commence fort. Ah bah on démarre lundi bien là. On compte sur vous, allez-y tout de suite, le temps de retrouver Fetty Wap et Gradure. Et on démarre la radio libre de Skyrock et rendez-vous demain pour Alonso et Fredo, 20h-21h. Ciao les gars, ciao. Ciao. Ils les appellent dans toute la France.